Chapitre 4. Tandis que le brick américain prenait la direction de Corfou et le bateau à vapeur celle de Venise, le voiturin cheminait lentement sur le bord de la mer par 30 degrés de chaleur au thermomètre de Réaumur. La Marietta portait dans sa jeune imagination toute une volière d'illusions dorées. Le bon accord de ses camarades, les cajoleries du directeur, les succès de la troupe, dont elle se croyait avec raison le plus bel ornement, lui promettait une vie douce et heureuse. Cependant, à la première étape du voiturin, la cage aux illusions s'ouvrit, et un des gais oiseaux prit sa volée. Les femmes commencèrent à se quereller. Les hommes se dirent mille injures comme des crocheteurs. Cette bonne harmonie, que le capo comico avait inventée pendant la traversée de Venise à Sinigalia, n'existait pas même en paroles. Dame Piccelli voulut mettre le haut là, on ne l'écouta point. La Marietta, pensant qu'on aurait plus d'égards pour elle, essaya d'intervenir. La fureur des mégères se tourna aussitôt contre la tyrolienne, et on lui adjugea part entière dans les insultes et les gros mots. Quand la querelle fut apaisée, la compagnie comique causa tranquillement de son séjour à Sinigalia. La Marietta découvrit alors que la plupart de ses associés étaient des escrocs et des sujets détestables. L'un se vantait d'avoir emporté quelques pièces du mobilier de son hôtel garni, l'autre avait laissé des dettes chez des marchands assez fous pour lui faire crédit. Toute la troupe riait de ses équipés, et l'on voyait bien que, si ce n'eût été la crainte des tribunaux, ces artistes auraient volontiers travaillé de nuit sur les grands chemins. En arrivant à Ancône, après deux journées pénibles, la jeune première demanda timidement au directeur s'il ne songeait pas à lui donner un peu d'argent sur la recette de la fiera. Dame Piccelli répondit que ses comptes seraient achevés le lendemain. Sur une feuille de papier couverte de chiffres, ces fameux comptes furent enfin balancés par doigts et à voir, et les calculs du capo comico se trouvèrent si parfaits que la part entière de tous les chefs d'emploi se réduisait à zéro. Cette nouvelle n'étonna aucun des artistes, excepté la jeune première. Ce fut alors que la volière s'ouvrit entièrement et que l'illusion la plus brillante s'élança dans l'espace. Dame Piccelli s'aperçut de l'impression fâcheuse que ce désappointement produisait dans l'esprit de sa meilleure actrice. « Ma fille, lui dit-il, ne nous laissons pas abattre pour si peu. Ancône est une grande ville, un public trois fois plus nombreux que celui de Sinigalia, plus riche, plus éclairé, nous attend avec impatience, car nous sommes annoncés. Fais courage, ma chère, et prends confiance en moi. » Dans la pièce qu'on répétait pour l'ouverture du théâtre d'Ancône, il y avait plusieurs rôles de femmes. Le jour de la représentation, Maria reconnut, dès l'exposition, que ses compagnes s'entendaient pour la gêner et la troubler. On l'insultait à voix basse, tandis qu'elle récitait son rôle, on lui faisait manquer ses sorties, et dans un moment où l'ancienne Smeraldine devait lui toucher le bras, elle se sentit pincée jusqu'au sang. Lorsqu'elle voulut se plaindre, après le spectacle, on lui ferma la bouche par un torrent d'invectives si grossières qu'elle prit la fuite pour aller pleurer dans sa chambre. « Que je suis malheureuse, » dit-elle en se jetant sur son lit. « Que vais-je devenir au milieu d'ennemis acharnés après moi, qui me déchirent avec leurs ongles et qui ne craignent pas de compromettre la représentation pour satisfaire la rage que leur inspire mes succès, et personne au monde pour prendre ma défense ?» En ce moment, la porte s'ouvrit et le jeune premier de la troupe se présenta, paré de sa toque et de son manteau court. « Belle Marietta, essuie tes larmes. Non, tu n'es pas abandonnée du monde entier. Je veux être ton défenseur, ton chevalier. J'assommerai à grands coups de poing toutes ces harpies. J'écraserai sous mes pieds les envieuses de ton admirable talent. » Et le jeune premier faisait trembler le plancher sous ses bottes de couleur café au lait. « Ah, j'ai donc un ami, » s'écria la jeune fille. « Vous, qui avez si bien joué la scène de la Pérouse et du singe reconnaissant, « vous ne me laisserez pas dévorer par ces cannibales. Je les traiterai comme des bêtes féroces, » reprit le jeune premier d'une voix terrible. « Mais, divine Marietta, quand j'aurai pour jamais écarté de ton chemin ces misérables reptiles, permets au plus tendre des amants de poser un genou en terre pour recevoir de la dame de ses pensées la récompense que la beauté doit au courage, au dévouement et à la générosité. Ne vous imaginez pas cela ?» répondit impétueusement la Marietta en sautant à bas de son lit. « Si vous mettez à ce prix votre dévouement, je n'en veux point. Je m'en passerai bien. Allez porter ailleurs vos consolations hypocrites, et ne restez pas ainsi à genoux devant moi, car vous perdez votre peine et vos paroles, je vous avertis. Non, dit le jeune homme à la toque de velours, je ne puis quitter cette posture qui exprime si exactement l'état de mon cœur. Je vous la ferai bien quitter, répondit la jeune première, je vous forcerai bien de sortir d'ici. En vous jetant à la tête cet écritoire qui m'a déjà débarrassé d'un importun et d'un faux consolateur. La Marietta s'était armée de l'encrier fatal au combinateur de Sinigalia. Mais lorsqu'elle se tourna, le bras en l'air, du côté de l'amoureux La Pérouse, il avait disparu. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit encore, et le vieux Truffaldin se glissa dans la chambre en faisant son sourire vaniteux et narquois. « Qu'ai-je appris, ma pauvre enfant? On t'a maltraité? On t'a pincé, injurié jusque sur la scène? Je te vais donner le moyen de mettre à la raison toutes ces créatures. Tu sais qu'elles me craignent comme le feu, que je les fais entrer sous terre quand elles s'avisent de me chercher querelle. Les lazzi, les railleries, les vociférations, c'est ma spécialité, c'est mon emploi. Par état, il faut que j'aie la langue venimeuse. Sous la protection de l'improvisateur de la troupe, tu seras respecté, redouté, à l'abri des attaques, comme le mouton dans la bergerie. Je suis vert encore, d'une santé de fer, et tu n'ignores pas que je suis obligé de me grimer pour représenter les pères ridicules. Je t'aimerai, je te protégerai beaucoup mieux qu'un jeune homme. » En parlant ainsi, le Truffaldin baisait les mains de la jeune première, mais un regard foudroyant l'interrompit. « Félicitez-vous, lui dit Maria, de n'être en effet qu'un vieillard et de ne pas m'inspirer de crainte avec vos baisers de comédie, car si je vous croyais dangereux, vous laisseriez ici vos deux yeux ou la peau de votre vilain masque. Je vous pardonne en faveur de votre âge et de votre esprit. Allez, et ne me faites plus souvenir d'un moment de sottise que je vous promets d'oublier. » Dame Piccelli vint aussi exhiber sa protection. « Ma mignonne, dit-il avec bonté, je ne souffrirai pas que des femmes jalouses te dégoûtent de notre compagnie. Ces discordes sont l'élément de dissolution des troupes comiques. On te doit une réparation, tu l'auras. » Hélas, répondit la jeune fille, préservez-moi plutôt des poursuites des hommes que de la méchanceté des femmes. Le directeur fit le tour de la chambre à grands pas. Écoute, dit-il ensuite, ma vieille expérience me suggère un moyen excellent de mettre fin à tes ennuis. C'est une mesure de bonne administration et l'inspiration d'un cœur qui t'aime. La favorite, la compagne, l'associée du capo comico ne sera plus en but ni aux malices des femmes, ni aux déclarations d'amour des acteurs. « Quoi, mon bon Tampicelli, vous me faites sérieusement une proposition de mariage ?» s'écria la jeune fille. « Je te l'aurais faite depuis longtemps, si je n'avais laissé à Bologne une femme malheureusement trop légitime et trois enfants en bas âge. » La Marietta ne répondit rien, mais elle tira de l'armoire son petit trousseau de linge et le rangea dans sa boîte, dont elle passa la bretelle autour de son cou. Elle allait partir, quand le directeur épouvanté la pria humblement, à main jointe, de ne point abandonner sa pauvre troupe comique, de ne point le ruiner de fond en comble. Comme il la vit indécise, il redoubla d'éloquence. Le son de sa voix s'altéra, des larmes roulèrent dans ses yeux, et la naïve jeune première sentit sa colère s'évanouir. Elle consentit à rester encore. Trois jours après cette soirée si remplie d'émotions, l'affiche illustrée annonçait la représentation des traits de jalousie au bénéfice de la signora Marietta. Il y avait dans la troupe un garçon nommé Francesco, de mœurs plus douces que les autres, plus poli et un peu moins voleur, qui remplissait les fonctions de régisseur et doublait parfois les rôles de Léandre. C'était le seul homme de qui Maria n'eut point à se plaindre. Dans le trajet de Sénégalia à Anconne, Francesco avait laissé tomber du sac aux accessoires un méchant pistolet de bois qui ne valait pas 20 baïocs. Dame Piccelli l'accusa d'avoir vendu cette arme de luxe, et le soupçon d'une si grave infidélité engendra des discussions, des reproches pleins d'aigreur. Une heure avant la représentation des traits Gelosi, le régisseur vint rappeler au capo comico qu'il y avait un souper à la dernière scène et qu'un plat de macaroni devait être servi. Cet accessoire ne se trouvait point dans son sac. Le directeur ne daigna pas répondre. On commença le spectacle. La salle était bien garnie et le premier acte eut du succès. Francesco, voyant que le dénouement serait manqué si le souper ne paraissait pas, sortit un moment du théâtre et se promena dans la rue en proie au sombre chagrin de l'artiste privé des objets nécessaires à l'exercice de sa profession. Par une fenêtre du rez-de-chaussée, il aperçut chez un voisin les apprêts d'un souper. La servante déposait sur la table un plat de macaroni. Le régisseur s'élance dans la chambre, saisit l'accessoire important que le hasard lui offrait et la porte en triomphe sur la scène. Ce trait de courage et de génie fut mal récompensé. Le lendemain, le bourgeois volé porta plainte. Au lieu de remercier et de soutenir le régisseur, Tampicelli l'abandonna sans pitié au tribunal de simple police, qui l'envoya en prison pendant 24 heures. Lorsqu'il en sortit, le cœur ulcéré, Francesco rencontra la jeune première triste et pensive. Elle venait de recevoir le produit de son bénéfice, qui se montait, selon les comptes du directeur, tout frais déduits, à 25 paoli, 12 francs 50 centimes. « Ma pauvre Marietta, dit-il, vous êtes indignement trompée. La recette s'élevait à plus de 50 écus romains. Je quitte ce directeur ingrat et rapace, et je retourne dans mon pays. Partez avec moi. Je vous accompagnerai jusqu'à Vérone, et de là, vous irez facilement à Bolzano. » « C'est peut-être ce que j'aurai de mieux à faire, » dit la jeune fille en regardant d'un air piteux ses 25 paoli. « La misère nous envahit. Nous ne déjeunons pas tous les jours, et nous ne dînons pas 7 fois par semaine. Je suis lasse de ce régime. Vous êtes un honnête garçon, Francesco. Emmenez-moi. » Sans avertir personne et sans faire d'inutiles adieux, Francesco et la Marietta prirent ensemble le chemin de la Lombardie, tous deux légers de bagages et d'argent, mais gais, bien portants et enchantés de leur escapade. Ils avaient déjà parcouru 6 lieues à pied quand le seigneur Tampicelli découvrit qu'il n'avait plus ni jeune première, ni régisseur.